Section 23 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 23. L'abbé Constantin, par Ludovic Halévy, de l'Académie française. Chapitre 6. Ce même jour, à 7h30, Jean venait chercher le curé au presbytère et tous deux prenaient la route du château. Depuis un mois, une véritable armée d'ouvriers s'était emparée de Longueval. Les auberges et les cabarets du village faisaient fortune. D'immenses voitures de déménagement avaient apporté de Paris des cargaisons de meubles et de tapisseries. 48 heures avant l'arrivée de Madame Scott, Mademoiselle Marbeau, la directrice de la poste, et Madame Lormier, la mairesse, s'étaient faufilées dans le château. Leur récit faisait tourner les têtes. Les vieux meubles avaient disparu, relégués dans les combles. On se promenait au milieu d'un véritable entassement de merveilles, et les écuries et les remises. Un train spécial avait amené de Paris, sous la haute surveillance d'Edward, une dizaine de voitures. Et quelles voitures ! Une vingtaine de chevaux. Et quels chevaux ! L'abbé Constantin croyait savoir ce que c'était que le luxe. Il dînait, une fois par an, chez son évêque, Monseigneur Foubert, prélat aimable et riche, qui recevait assez largement. Le curé, jusqu'alors, avait pensé qu'il ne pouvait y avoir rien au monde de plus somptueux que le palais épiscopal de Souvigny, que les châteaux de Laverdens et de Longueval. Il commençait à comprendre, d'après ce qu'il entendait dire, des splendeurs nouvelles de Longueval, que le luxe des grandes maisons d'aujourd'hui devait dépasser singulièrement le luxe sérieux et sévère des vieilles maisons d'autrefois. Dès que le curé et Jean eurent fait quelques pas dans l'allée du parc qui conduisait au château, « Regarde, Jean, dit le curé, quel changement ! Toute cette partie du parc était laissée à l'abandon. Et voilà que tout est sablé, ratissé. Je ne vais plus me sentir ici chez moi, comme autrefois. Ça va être trop beau. Je ne vais plus retrouver mon vieux fauteuil de velours marron, où il m'arrivait si souvent de m'endormir après dîner. Et si je m'endors ce soir, que deviendrai-je ? Tu feras attention, Jean. Si tu vois que je commence à m'engourdir, tu t'approcheras de moi et tu me passeras un peu au bras, par derrière. Tu me le promets ? Oui, mon parrain, je vous le promets. Jean ne prêtait qu'une attention médiocre au discours du curé. Il se sentait une extrême impatience de revoir Madame Scott et Miss Percival. Mais cette impatience était mêlée d'une très vive inquiétude. Allait-il les retrouver dans le grand salon de Longueval, tel qu'il les avait vus dans la petite salle à manger du presbytère? Peut-être, au lieu de ces deux femmes si parfaitement simples et familières, s'amusant de cette dînette improvisée, et qui, dès le premier jour, l'avait accueilli avec tant de grâce et de familiarité. Peut-être allait-il retrouver deux jolies poupées mondaines, élégantes, froides et correctes. Son impression première allait-elle s'effacer, disparaître? Allait-elle, au contraire, se faire en son cœur plus douce et plus profonde encore? Ils montèrent les 6 marches du perron, et furent reçus dans le vestibule par 2 grands valets de pied de l'air, le plus digne et le plus imposant. Ce vestibule, autrefois, était une immense pièce glaciale et nue dans ses murs de pierre. Ces murs, aujourd'hui, étaient recouverts d'admirables tapisseries qui représentaient des sujets mythologiques. C'est à peine si le curé les regarda, ces tapisseries. Et ce fut assez pour s'apercevoir que les déesses qui se promenaient à travers ces verdures portaient des costumes d'une antique simplicité. L'un des valets de pied ouvrit à deux battants la porte du grand salon. C'est là que, d'ordinaire, se tenait la vieille marquise, à droite de la haute cheminée, et à gauche se trouvait le fauteuil marron. Plus de fauteuil marron. Le vieux meuble de l'Empire, qui était le fond de l'arrangement du salon, avait été remplacé par un merveilleux meuble de tapisserie de la fin du siècle dernier. Puis, un tas de petits fauteuils et de petits poufs, de toutes les couleurs et de toutes les formes, étaient jetés çà et là avec une apparence de désordre qui était le comble de l'art. Madame Scott, en voyant entrer le curé et Jean, se leva et allant à leur rencontre. « Que vous êtes aimable, dit-elle, monsieur le curé, d'être venu. Et vous aussi, monsieur. Et que je suis contente de vous revoir, vous, mes premiers, mes seuls amis dans ce pays. » Jean respira. C'était bien la même femme. « Voulez-vous me permettre, ajouta Madame Scott, de vous présenter mes enfants ?»« Harry et Bella, venez. » Harry était un très gentil petit garçon de 6 ans et Bella, une très jolie petite fille de 5 ans. Ils avaient les grands yeux noirs de leur mère et ses cheveux dorés. Après que le curé eut embrassé les deux enfants, Harry, qui regardait avec admiration l'uniforme de Jean, dit à sa mère « Et le militaire, maman, faut-il embrasser aussi le militaire ?»« Si vous voulez, » répondit Madame Scott, « et s'il le veut bien. » Les deux enfants étaient, une minute après, installés sur les genoux de Jean et l'accablaient de questions. « Vous êtes officier ?»« Oui, je suis officier. » « Dans quoi ?»« Dans l'artillerie. » »« Les artilleurs, c'est ceux qui tirent le canon. » « Oh, que cela m'amuserait d'entendre tirer le canon et d'être tout prêt. Vous nous emmènerez un jour, quand on le tirera, le canon. Dites, voulez-vous ?» Madame Scott, pendant ce temps, causait avec le curé, et Jean, tout en répondant aux questions des enfants, regardait Madame Scott. Elle avait une robe de mousseline blanche, mais la mousseline disparaissait sous une avalanche de petits volants de Valenciennes. La robe était largement décolletée par devant, en carré. Les bras nus jusqu'au coude, un gros bouquet de roses rouges à l'ouverture du corsage, une rose rouge fixée dans les cheveux, par une agrafe de diamants, rien de plus. Madame Scott s'aperçut tout à coup que Jean était occupé militairement par ses deux enfants. « Oh ! Comme je vous demande pardon, monsieur. Harry, Bella. » Je vous en prie, madame, laissez-les-moi. Et comme je suis contrariée de vous faire dîner si tard, ma sœur n'est pas encore descendue. Ah, la voici. Bettina fit son entrée. La même robe de mousseline blanche, le même petit fouillis de dentelle, les mêmes roses rouges, la même grâce, la même beauté, et le même accueil riant, aimable, ouvert. « Je suis votre servante, monsieur le curé. M'avez-vous pardonné mon horrible indiscrétion de l'autre jour ?» Puis, se tournant vers Jean et lui tendant la main, « Bonjour, monsieur. Monsieur. Bon, voilà que je ne me rappelle plus votre nom. Et cependant, il me semble que nous sommes déjà de vieux amis. Jean Reynaud. Jean Reynaud, c'est cela. Bonjour, monsieur Reynaud. Mais je vous en préviens loyalement. Quand nous serons tout à fait de vieux amis, dans une 8aine de jours, je vous appellerai monsieur Jean. C'est un très joli nom, Jean. » On annonça le dîner. Les gouvernantes vinrent chercher les enfants. Madame Scott prit le bras du curé. Bettina le bras de Jean. Jusqu'au moment de l'apparition de Bettina, Jean s'était dit « La plus jolie, c'est Madame Scott. » Quand il vit la petite main de Bettina se glisser sous son bras et quand elle tourna vers lui son délicieux visage, il se dit « La plus jolie, c'est Miss Percival. » Mais il retomba dans ses perplexités quand il fut assis entre les deux sœurs. S'il regardait à droite, c'est de ce côté qu'il se sentait menacé de devenir amoureux. Et s'il regardait à gauche, le danger se déplaçait tout aussitôt et passait à gauche. La conversation s'engagea, facile, animée, confiante. Les deux sœurs étaient ravies. Elles avaient déjà fait une promenade à pied dans le parc. Elles se promettaient de faire, le lendemain, une longue promenade à cheval dans la forêt. Monter à cheval, c'était leur passion, leur folie. Et c'était aussi la passion de Jean. Si bien qu'au bout d'un quart d'heure, on le priait d'être de cette promenade du lendemain. Il acceptait avec joie. Personne, mieux que lui, ne connaissait les environs. C'était son pays. Il serait si heureux de leur en faire les honneurs et de leur montrer une foule de petits endroits ravissants que jamais sans lui, elle ne saurait découvrir. « Vous montez tous les jours à cheval ?» lui demanda Bettina. « Tous les jours et généralement deux fois. Le matin pour mon service et le soir pour mon plaisir. De bonne heure le matin ?»« À 5h30. »« À 5h30 tous les matins ?»« Oui, le dimanche excepté. » »« Alors, vous vous levez ?» « À 4h30. »« Et il fait jour ?»« Oh, en ce moment, grand jour. » Se lever ainsi à 4h30, c'est admirable. Nous finissons notre journée, bien souvent, à l'heure où vous la commencez. Et vous l'aimez, votre métier ?»« Beaucoup, mademoiselle. Cela est si bon d'avoir son existence, toute droite devant soi, avec des devoirs bien nets et bien définis. » « Cependant, dit Madame Scott, ne pas être son maître, avoir toujours à obéir. C'est là peut-être ce qui me va le mieux. Il n'y a rien de plus facile que d'obéir. Et puis, apprendre à obéir, c'est la seule façon d'apprendre à commander. Ah, ce que vous dites là, comme cela doit être vrai. » « Oui, sans doute, continua le curé, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est l'officier le plus distingué de son régiment. C'est que... Mon parrain, je vous en prie. » Le curé, malgré la résistance de Jean, allait se lancer dans le panégyrique de son filleul, quand Bettina intervenant. « C'est inutile, monsieur le curé, ne dites rien. Tout ce que vous diriez, nous le savons. Nous avons eu l'indiscrétion de prendre des renseignements sur monsieur. Oh, j'ai failli dire monsieur Jean, sur monsieur Reynaud. Eh bien, ils ont été admirables, les renseignements. Je serais curieux de savoir, dit Jean. Rien, rien, vous ne saurez rien. Je ne veux pas vous faire rougir, et vous seriez obligé de rougir. Puis, se tournant vers le curé. Mais sur vous aussi, monsieur le curé, nous avons eu des renseignements. Il paraît que vous êtes un saint. Oh! « Quant à cela, c'est vrai, » s'écria Jean. Ce fut le curé, cette fois, qui coupa court à l'éloquence de Jean. Le dîner était sur le point de finir. Ce dîner, le vieux prêtre ne l'avait pas traversé sans bien des émotions. À plusieurs reprises, on lui avait présenté des constructions savantes et compliquées sur lesquelles il n'avait osé porter qu'une main tremblante. Il avait peur de tout voir s'écrouler. Les châteaux branlants de gelée, les pyramides de truffes, les forteresses de crème, les bastions de pâtisserie, les rochers de glace. L'abbé Constantin dîna d'ailleurs de grand appétit et ne recula pas devant deux ou trois verres de vin de champagne. Il ne haïssait pas la bonne chère. La perfection n'est pas de ce monde, et si la gourmandise était, comme on le dit, un péché capital, que de bons curés iraient en enfer. Le café était servi sur la terrasse, devant le château. On entendait au loin le son un peu fêlé de la vieille horloge du village qui sonnait 9h. Les prés et les bois s'endormaient. Le parc ne gardait plus que de longues lignes indécises et ondulantes. La lune, lentement, émergeait de la cime des grands arbres. Bettina prit sur la table une boîte de cigares. Fumez-vous, dit-elle à Jean. Oui, mademoiselle. Prenez alors, monsieur Jean. Tant pis, je l'ai dit. Prenez, mais non, écoutez d'abord. Et parlant à demi-voix, tout en lui présentant la boîte de cigares, il fait nuit maintenant. Vous pourrez rougir, tout à votre aise. Je vais vous dire ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, à table. Un vieux notaire de Souvigny, qui a été votre tuteur, est venu voir ma sœur à Paris pour le paiement du château. Il nous a raconté ce que vous avez fait après la mort de votre père, quand vous n'étiez qu'un enfant. Ce que vous avez fait pour cette pauvre mère et pour cette pauvre jeune fille. Nous avons été très attendris de cela, ma sœur et moi. Oui, monsieur, continua Madame Scott, et c'est pour cela que nous vous avons reçu aujourd'hui avec un tel plaisir. Nous n'aurions pas fait à tout le monde le même accueil. Vous pouvez en être persuadé. Eh bien, prenez votre cigare maintenant. Ma sœur est là qui attend. Jean ne trouva pas une parole à répondre. Bettina était là, plantée devant lui, avec la boîte de cigare dans ses deux mains, les yeux fixés franchement sur le visage de Jean. Elle goûtait ce plaisir très réel et très vif qui peut se traduire par cette phrase. « Il me semble que je regarde un brave garçon. » « Et maintenant, dit Madame Scott, asseyons-nous là, devant cette nuit charmante. Prenez votre café. Fumez. » « Et ne parlons pas, Suzy, ne parlons pas. » Ce grand silence de la campagne, après ce grand vacarme de Paris, c'est adorable. Restons là, sans rien dire. Regardons le ciel, la lune et les étoiles. Tous les quatre, avec beaucoup de plaisir, exécutèrent ce petit programme. Suzy et Bettina, calmes, reposées, dans un absolu détachement de leur existence de la veille, se prenant déjà de tendresse pour ce pays qui venait de les recevoir et qui allait les garder. Jean était moins tranquille. Les paroles de Miss Percival lui avaient causé une émotion profonde. Son cœur n'avait pas encore repris tout à fait sa marche régulière. Mais, de tous, le plus heureux, c'était l'abbé Constantin. Il avait joui délicieusement de ce petit épisode qui avait mis la modestie de Jean à une si rude et si douce épreuve. L'abbé portait à son filleul une telle affection. Le plus tendre des pères n'a jamais aimé d'un meilleur cœur le plus cher de ses enfants. Quand le vieux curé regardait le jeune officier, il lui arrivait souvent de se dire « Le ciel m'a comblé, je suis prêtre et j'ai un fils. » L'abbé se perdit dans une très agréable rêverie. Il se retrouvait chez lui. Il se retrouvait trop chez lui. Ses idées, peu à peu, se confondirent et s'embrouillèrent. La rêverie devint de l'engourdissement, l'engourdissement de la somnolence. Le désastre fut bientôt complet, irréparable. Le curé s'endormit, et s'endormit profondément. Ce dîner merveilleux et les deux ou trois verres de vin de champagne étaient bien pour quelque chose dans la catastrophe. Jean ne s'était aperçu de rien. Il avait oublié la promesse faite à son parrain. Et pourquoi l'avait-il oublié? Parce que Madame Scott et Miss Percival s'étaient avisées de mettre les pieds sur des tabourets de jardin placés devant leur grand fauteuil d'osier rembourré de coussins. Puis, elles s'étaient paresseusement renversées dans les fauteuils et leurs jupes de mousseline s'étaient relevées un peu, très peu, mais assez, cependant pour dégager quatre petits pieds, dont les lignes apparaissaient très distinctes et très nettes sous deux jolis flots de dentelle blanche, éclairés par la lune. Jean les regardait, ces petits pieds, et se posait cette question. Lesquels sont les plus petits? Pendant qu'il cherchait à résoudre ce problème, Bettina, tout d'un coup, lui dit à voix basse « Monsieur Jean, Monsieur Jean !»« Mademoiselle, regardez donc Monsieur le curé, il dort. »« Oh mon Dieu, c'est ma faute !»« Comment votre faute ? demanda Madame Scott, également à voix basse. « Oui, mon parrain se lève de grand matin et se couche de très bonne heure. Il m'avait bien recommandé de l'empêcher de s'endormir. Très souvent, chez Madame de Longueval, après le dîner, il s'assoupit. Vous l'avez accueilli avec une telle bonté qu'il a repris ses habitudes d'autrefois. Et comme il a eu raison, dit Bettina, ne faisons pas de bruit, ne le réveillons pas. Vous êtes excellente, mademoiselle, mais la soirée devient un peu fraîche. Ah, c'est vrai, il pourrait s'enrhumer. Attendez, je vais aller chercher un de mes manteaux. Je crois, mademoiselle, qu'il vaudrait mieux tâcher de le réveiller adroitement, pour qu'il ne se doute pas que vous l'avez vu dormir. « Laissez-moi faire, » dit Bettina. « Suzy, chantons ensemble, tout bas d'abord, puis nous élèverons peu à peu la voix. Chantons. »« Volontiers, mais que chanter ?»« Chantons. »« Something childish. » »« Les paroles sont de circonstance. » Suzy et Bettina se mirent à chanter. « If I had but two little wings, and were a little feathery bird, etc. » Leur voix douce et pénétrante avait dans ce profond silence une exquise sonorité. L'abbé n'entendait rien, ne bougeait pas. Charmé de ce petit concert, Jean se disait « Pourvu que mon parrain ne se réveille pas trop tôt. » Les voix, cependant, devenaient plus claires et plus hautes. « But in my sleep, to you I fly. » I'm always with you in my sleep, etc. Et l'abbé continuait à ne pas broncher. Comme il dort, dit Suzy, c'est un crime de le réveiller. Il le faut bien, plus haut, Suzy, plus haut. Suzy et Bettina laissèrent éclater librement l'accord de leurs deux voix. Sleep stays out, though a monarch bids, so I love to wake at break of day, etc. Le curé se réveilla en sursaut. Après un court moment d'inquiétude, il respira. Personne, évidemment, ne s'était aperçu qu'il avait dormi. Il se redressa, se détira prudemment. Lentement, il était sauvé. Un quart d'heure après, les deux sœurs reconduisaient le curé et Jean jusqu'à la petite porte du parc, qui ouvrait sur le village, à une centaine de pas du presbytère. On approchait de cette porte, lorsque Bettina dit à Jean tout à coup « Ah, monsieur, j'ai depuis 3 heures une question à vous adresser. Ce matin, en arrivant, nous avons rencontré sur la route un jeune homme mince, avec des moustaches blondes. Il montait un cheval noir. Il nous a salués au passage. C'est Paul de la Verdenne, un de mes amis. Il a déjà eu l'honneur de vous être présenté. » Mais un peu vaguement. Aussi, son ambition est-elle de vous être représentée. « Eh bien, vous nous l'amènerez un de ces jours, » dit Madame Scott. « À partir du 25, » s'écria Bettina. « Pas avant, pas avant. Personne jusque-là, nous ne voulons voir personne, excepté vous, monsieur Jean. Mais vous, c'est très extraordinaire, et je ne sais pas trop comment cela s'est fait. » Vous n'êtes déjà plus personne pour nous. Le compliment n'est peut-être pas très bien tourné, mais ne vous y trompez pas, c'est un compliment. J'ai l'intention d'être excessivement aimable en vous parlant ainsi. Et vous l'êtes, mademoiselle. Tant mieux, si j'ai eu le bonheur de me faire bien comprendre. Au revoir, monsieur Jean, et à demain. Madame Scott et Miss Percival reprirent lentement le chemin du château. « Et maintenant, Suzy, » dit Bettina, « grondez-moi bien fort. Je m'y attends. Je l'ai mérité. »« Vous grondez ? Pourquoi ? Vous allez dire, j'en suis sûre, que j'ai été trop familière avec ce jeune homme. »« Non, je ne vous dirai pas cela. Ce jeune homme a fait sur moi, dès le premier jour, la plus heureuse impression. Il m'inspire une confiance absolue. »« Et à moi aussi. Je suis persuadée qu'il sera bien de nous appliquer toutes deux à nous en faire un ami. De tout mon cœur, quant à moi. D'autant mieux, Suzy, que j'ai déjà vu bien des jeunes gens depuis que nous vivons en France. Oh oui, j'en ai vu. Eh bien, celui-là est le premier, positivement le premier, dans les yeux duquel je n'ai pas lu clairement cette phrase. Mon Dieu, que je serais donc content d'épouser les millions de cette petite personne-là. Cela a été écrit distinctement dans les yeux de tous les autres, et pas dans ses yeux à lui. Là-dessus, nous voilà rentrés. Bonsoir, Suzy, et à demain. Madame Scott alla voir ses enfants et les embrasser endormis. Bettina resta longuement accoudée sur la balustrade de son balcon. « Il me semble, se disait-elle, que je vais aimer ce pays. » Fin de la section 23, lue par Margot.